quartier chic, saloperie de Rupin. Tu étales ton fric, carnet de chèque à la main. Tu te sapes chez du con, signature Galliano. À la manif pour tous, tu craches sur les homos. Ta petite vie de merde, sans amour et sans joie. Heureusement ton Jésus est toujours sur sa croix. Le dimanche à la messe, tu dégueules en latin. Ton racisme et ta haine en bon fils de Pétain. Mercedes à crédit et bobonne pour la vie. Trois lardons dans ta cage, c'est ton petit paradis. Villa au bord de la mer, vacances de milliardaire. Lèche le cul du banquier, tu as le sens des affaires. Raciste le matin, xénophobe le soir. Tu n'aimes pas les arabes, les homos ni les noirs. Tu dégueules ton fiel dans ta boîte à la con. Pour d'autres trous du cul, de la même condition. Dans ton univers clos, tu méprises le prolo. Y'en a que pour ta gueule, tu veux tout le gâteau. Squatteur et sans papier, c'est pas ta tasse de thé. Tu n'as qu'une seule envie, c'est de nous voir dégager. Choisis facho, crache sur la misère, sur les gens en galère, les damnés de la terre. Vous les fils de Pétain, vous les conservateurs, vos esclaves en ont marre du salaire de la peur. La bourgeoisie facho, crache sur la misère, sur les gens en galère, les damnés de la terre. Vous les fils de Pétain, vous les conservateurs, vos esclaves en ont marre du salaire de la peur.